À tous les imitateurs, profiteurs et moqueurs des ondes féminines, je suis là pour couvrir les filles et pour tous les faux rappeurs misogynes. Écoutez, bouffez ma pire. Balance un air nerveux, balance ses vers vers eux, percez ses vers envers eux, vénère envers ceux qui nous ont trop longtemps versés dans un climat merdeux. Balance un air nerveux, balance ses vers vers eux, percez ses vers envers eux, vénère envers ceux qui nous ont trop longtemps versés dans un climat merdeux. Comme dit mon DJ, dance, fais-le, façon fâchée. Te dis direct, les faux sapés, façon carré raté, je suis bienvenu pour les bâcher. Lâcher une balle aussi pour le attaché. Notre rap en disant que mettre des meufs ça gâché. On va pas te lâcher, mâcher, on est venu pour te lâcher. T'es pâché, des novices de l'esprit. Et sachez qu'on est toujours dehors, fort, bien, pour marcher. La tête haute et ceux qui disent que le rap est mort ont vraiment tort. Car comme Stéstros, on est là pour défendre encore. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Si on faisait moins de merde, ça serait peut-être pas la crise. La représente la familia. Tapis rouge pour l'NGA. Passe le micro pour décart ce qu'il y a. Avant j'essayais de canaliser ma force dans des situations devenues banalisées. Maintenant que t'es là, t'as plus qu'à analyser. C'est clair, le schéma est devenu tendu. Quand les motivations du rap en sont rendues, c'est qu'autant y'en a qui sont déjà pendus. Au début ça commence à faire bien dans le flow. Après ça commence à bien faire, c'est chaud. Si tu me demandes et que je dis ton rap, je suis prête à dire ton rap c'est ta mère. Y'en a marre des vieux thèmes pétés devenus des clichés. Narrés dans un but de ramasser de l'argent dans un pichet. T'as trop triché, va pas dire le rap est mort. C'est toi la victime bidon, j'espère t'as pigé. FNZA représente la familia. Tapis rouge pour l'NGA. En effet je représente celle qui t'humilia. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Si on faisait moins de merde, ça serait peut-être pas la crise. Rap français. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Rap français. Tiens bon. Rap français. Tiens bon. Il te reste des rimes à vivre.